Les sciences à présent, les aventuriers. Bonjour Fabienne Chauvière. Bonjour Eric. On va parler d'étoiles filantes et il paraît qu'on pourra en avoir à la demande, à volonté en 2020. Est-ce qu'une pluie de météorites pour votre anniversaire, Eric, ça vous plairait? Oui. Eh bien, ce sera probablement possible grâce ou à cause de satellites équipés d'une nouvelle technologie. Une start-up japonaise a mis au point deux micro-satellites qui, en orbite, seront capables d'éjecter de petites balles. Les projectiles se désintégreront en pénétrant dans l'atmosphère et dégageront alors une très forte luminosité au contact des molécules de l'air. À bord de ces deux satellites qui seront lancés l'an prochain, des centaines de boules dont la couleur pourra varier en fonction des ingrédients chimiques utilisés. Elles pourront illuminer 20 à 30 événements selon les inventeurs. Chacune de ces étoiles chimiques ne devrait briller que quelques secondes avant de disparaître intégralement. Ce sont des scientifiques d'universités japonaises qui ont mis au point cette invention qui enlève encore un peu de poésie à notre monde moderne. On va mettre les pieds sur terre, Fabienne, avec les animaux. Une question, quel est l'animal le plus rapide? Eh bien, on vient de faire à ce sujet une drôle de découverte. Le plus rapide, Eric, n'est ni le guépard, qui peut faire des pointes à 110 km/h, ni le faucon pèlerin, qui peut atteindre en l'air, en piqué, les 390 km/h. Il y a donc un animal encore plus rapide? Des chercheurs américains viennent de découvrir qui est le plus rapide. C'est le Spirostomum ambiguum. Il s'agit d'un organisme unicellulaire que l'on trouve dans les lacs et les étangs. Lorsque cet organisme est surpris, il contracte son corps en forme de ver en seulement quelques millisecondes. Son accélération est alors 20 fois supérieure à celle d'un guépard ou d'une formule 1 et laisse sa structure intacte. Cette prouesse intrigue les scientifiques. Il est impossible d'atteindre de telles performances avec de simples muscles. Le Spirostomum ambiguum utiliserait des ressorts moléculaires. Dans votre s'aventurier du jour, cette découverte des humains avec un troisième bras. Et ce n'est pas une blague, Eric. Ce troisième bras est artificiel et il peut être contrôlé par la pensée. Et où qu'on commande, c'est ici qu'on commande. Prends la bouteille et ne la lâche pas. Et voici encore une drôle de création japonaise. Des chercheurs nippons ont réussi à doter des humains d'un bras artificiel directement commandé par la pensée. Leur but, permettre l'avènement d'hommes augmentés avec un troisième bras donc, mais aussi capable d'actionner des appareils à distance avec leur cerveau. Dans une expérience, des volontaires ont réussi à contrôler un bras robotique par la pensée, lui demandant par exemple de saisir puis de relâcher une bouteille, alors que leurs deux bras naturels étaient occupés à d'autres tâches. Les chercheurs affirment que nous serons bientôt capables de contrôler des appareils tout en effectuant une autre tâche. Ils pensent aussi que leur invention permettra d'augmenter la productivité des ouvriers. En Inde, Shiva a aussi plusieurs bras, mais cela n'a rien à voir avec la productivité. Pas de bras, pas de chocolat. C'est une vanne, hein? Voilà, c'est dit comme ça. On va faire des beaux bébés, si vous le permettez. Pour faire de beaux bébés, mieux vaut éviter les slips serrés. Oui, des chercheurs américains sont formels. Les spermatozoïdes sont de bien meilleure qualité avec les caleçons. Papa, comment on fait les bébés, eux? Allez les tétards, on se remue la flagelle et on fonce tout droit jusqu'à l'ovule. Les slips serrés nuisent à la fertilité. Le sperme est de meilleure qualité avec les caleçons, telle est la conclusion d'une étude parue il y a 2 semaines. Selon cette étude, réalisée sur 656 hommes par des chercheurs de Boston, plus les testicules respirent, mieux ils fonctionnent. Et quand ils sont à l'étroit, ils ont aussi trop chaud. Moralité, pour faire de beaux bébés, évitez les slips serrés, les boxers ou les pantalons moulants. Il ne faut pas non plus passer trop de temps assis ou prendre des bains trop chauds. Bref, je suis né. Ce sera le conseil du jour pour les hommes. Évitons donc les slips serrés. Merci de ce conseil. Fabienne Chauvière, merci de nous avoir alertés.